Syllabe à la prod. P.O. C'est quoi la vie, c'est quoi les bails? Arsis. Ok. J'ai gravi quelques marches et je vois ce qui reste à témoin. J'ai cœur entre deux bases avec le chemin qui est assez long. Si l'enfer c'est les autres, c'est que je dois être au paradis. C'est que je suis pas sûr de moi depuis que l'amour est parti pisser. Au pas à pas, je marque le boule de ma destinée. Si je la prends de trop près, je sais qu'elle met une gifle sans hésiter. Je fais les choses de mon déco en deux lettres CBO. Un œil sur un pédo et l'autre sur l'avancée de mes pélos. Mon quotidien, un service où je compte tous les tours. Avec des poches trouées, une vraie passoire où je compte tous les trous. J'ai serpenté avec la vie à avaler des couleurs. À pas croyer du noir, même plus que c'est qu'une couleur. Mes sentiments, je l'étais et c'est mieux comme ça. Depuis qu'une partie de moi est à l'époque des fêtes sur Rosla. Je redescends vite quand la vie monte sur ses grands chevaux. Réussir sa vie à boxer d'art quand tous les plans se chevauchent. C'est quoi la vie, c'est quoi les pailles? On a des rêves de taille. Le bonheur fait du détail, il reste un mush de smile. Quand la vie déraille, c'est chaud, on tombe des tonnes de pages. On a trop de failles, qu'on colmate pas des lits de sky. C'est quoi la vie, c'est quoi les pailles? On a des rêves de taille. Le bonheur fait du détail, il reste un mush de smile. Quand la vie déraille, c'est chaud, on tombe des tonnes de pages. On a trop de failles, qu'on colmate pas des lits de sky. C'est quoi la vie, c'est quoi les pailles? On a des rêves de taille. Je voulais être au courant, je me suis attiré la foudre. Car j'ai croqué dans la hive comme si j'étais dans un fast-food. Si je meurs d'envie d'avancer, c'est que je suis mort pour une bonne cause. En somme, c'est chaud, plus je vieillis, plus je meurs à petite dose. Poteau, vas-y boire mes paroles, c'est pas la mer à boire. Je prends le temps de regretter parce qu'après il est trop tard. Je sais que sa vie est vide quand la poisse nous fidélise. Même quand Daron disait mon fils est vide, que le vice t'enlise. Parole de Dieu face à Nadal dans le jeu. Équivalent à un mon fils face à Nadal en deux jeux. Ok, c'est un pied de weed qui cache une forêt de soucis. Les mauvaises graines donnent des mal et j'ai peur que ça passe pas ce coup-ci. Scoozy, j'ai pas confiance en l'homme et son entourage. Être aimé fait mal au cœur et demande un certain courage. On pleure tous, on reste des hommes avant tout. On a troqué des poupées de cire pour un tas de poupées vaudou. C'est quoi la vie, c'est quoi les pailles? On a des rêves de taille. Le bonheur fait du détail, il reste un mush de smile. Quand la vie déraille, c'est chaud, on tombe des tonnes de pages. On a trop de failles, qu'on colmate pas des lits de sky. C'est quoi la vie, c'est quoi les pailles? On a des rêves de taille. Le bonheur fait du détail, il reste un mush de smile. Quand la vie déraille, c'est chaud, on tombe des tonnes de pages. On a trop de failles, qu'on colmate pas des lits de sky. Le bonheur fait du détail, il reste un mush de smile. On a des rêves de taille. On m'a dit que c'était simple, je me suis posé trop de questions. J'ai peur de m'engager dans la vie où les sentiments sont des saisons. C'est de rester dans les clous pour percer dans la vie. Mon cœur est sur écoute, j'ai peur du pardonner à Harry. Demande à mes potes si la thune est la réussite zone. Y'a pas que le bédo et la cloque qui font un sourire jaune. On se fait mal au cou à mater le futur et le passé. Tout serait cassé, y'a que la mort qui nous laisse tous passer. J'ai la gouache même si je m'en mets des pinceaux. La vie de l'aise unit souvent entre deux pinceaux. On satisfait de peu de choses, même d'une vie au rabais. Les yeux vers le ciel, certains ont vu des choix déraper. On coule les autres pour sortir à la surface. Et le mérite, ça va deux secondes, pourquoi surpasser? J'ai peur que je rentre en tête, le chétan se paye ma tête. Cupidon a lâché l'arc et prend la mitraillette. C'est quoi la vie, c'est quoi les pailles? On a des rêves de taille. Le bonheur fait du détail, il reste un mush de smile. Quand la vie déraille, c'est chaud, on tombe des tonnes de pages. On a trop de failles, qu'on colmate pas des lits de sky. C'est quoi la vie, c'est quoi les pailles? On a des rêves de taille. Le bonheur fait du détail, il reste un mush de smile. Quand la vie déraille, c'est chaud, on tombe des tonnes de pages. On a trop de failles, qu'on colmate pas des lits de sky.